son rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Caris. Passez une bonne soirée, bienvenue à un nouveau Planète Rap ce soir avec Caris qui est là. Bien ou quoi? Bien et toi? Si, si. L'équipe de Thérapie est là, on salue également 2093. Sevran est là. Ouais. Sevran est là aussi dans le studio. Il y a 2031 qui est là aussi. 2031 est là aussi. Ouais. Tout le monde est là en pleine forme. Juste Iba est là, nous regarde avec ses yeux. Bon, comment ça s'est passé aujourd'hui la journée? Bien. Tranquille. Détendu. Comme d'hab, il fait beau. Il fait beau, fait beau. On a écouté la réédition En Noir Part 2. Et lourde ou pas? Qui est dans les bacs depuis lundi. Un double CD bien lourd en plus, hein, parce qu'il y avait déjà la première partie En Noir. Si. Et là, vous avez 11 titres inédits. Question sur le net, on en parle un petit peu ou vite fait? On revient dessus vite fait parce qu'il y a eu un nouvel épisode aujourd'hui. Bon, regarde, on va être clair. Une nouvelle photo qui a été envoyée par Booba. Hier, on en a parlé un petit peu. Toi, t'as donné la réponse à ton freestyle que tu avais fait lundi dans Planète Rap en disant que ça concernait ni Booba. Tu me laisses parler ou pas? Je te laisse parler juste. Je finis, je resitue pour les gens qui arrivent et qui vont peut-être découvrir l'histoire. Vas-y. Donc voilà, freestyle lundi soir. Mardi, on en a parlé, c'était hier pendant l'émission. Et donc ce soir, il y a quelques heures, là, il a balancé une photo sur Instagram. Bah tiens, qu'on voit là, qui a été envoyée, où tu es maquillé en disant que tu viens tapiner grosso modo ici et que tu n'as jamais soutenu le 9 de I, si j'ai bien compris. C'est plus du tapinage, c'est du tournant. T'as vu combien on est nombreux là? C'est-à-dire tous les négros qui sont là et tapinent aussi alors. Bah écoute, regarde, je t'avais dit hier je t'avais dit que ça allait balancer des photos montage, des trucs comme ça. Oui. Parce que je crois qu'il travaille dans un photomaton maintenant. Je crois que ça doit être Photoshop. Ça, voilà, Photoshop, il aime bien ça. Bref. En fait, ce qui s'est passé, tu vois, il m'avait demandé de faire une vidéo, tu vois. Fais une vidéo comme quoi tu soutiens, parce que j'ai fait 12 mesures. Donc fais la vidéo comme quoi tu soutiens. À l'époque du clash, voilà, donc avec, moi, j'ai fait une vidéo la fouine, c'est ça. Ou même mon gars qui est là, Mikey, même, pirate du bitume. Il a mis sa tête dedans, frère. C'était pour montrer qu'on soutenait un peu, tu vois ce que je veux dire. Pour dire, voilà. En même temps, c'était pour annoncer les zéniths qu'on devait faire, tu vois. Comme je savais que j'allais faire les zéniths, je me suis dit, bon, vas-y, autant faire cette petite vidéo pour dire qu'on est là. Donc, si quoi que ce soit, on soutient. Enregistrer une vidéo de soutien. Voilà, ça n'a pas suffi. Chris Macari est venu avec sa vidéo, avec sa caméra là, et il a fait la vidéo. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont fait un montage, un micmac, ils ont mis des morceaux de clips dedans, d'autres rappeurs et tout. Mais ça avait été diffusé cette vidéo? Parce que cette vidéo, laisse-moi terminer. D'accord. J'ai dit cette vidéo, dans cet état-là, avec des montages et des micmacs, elle sort pas cette vidéo. D'accord. Parce que moi je suis pas là pour faire le fanfaron, des trucs à deux balles sur internet et compagnie, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas suffi. Maintenant vas-y, fais un clash. Clash La Fouine, clash Rof. Voilà ce qu'on m'a dit. Je les connais pas ces mecs-là. Pourquoi je vais les clasher? Parce que j'ai fait 12 mesures. Ça ne vaut pas la peine. Donc grosso modo, il te demandait de prendre parti, vraiment. Il me demandait de prendre ses casseroles. C'est pas prendre parti. Prendre ses casseroles qui traînent depuis 20 piges. Moi, je suis pas un petit. Je suis petit à personne. Je suis la pute à personne. Je vais pas traiter des mecs que je connais pas. Pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, je les connais pas, les mecs. Pourquoi je vais les traiter? Ils m'ont rien fait. Surtout des phrases cheloues. Traite la daronne qui est morte de je sais pas quoi. Tu vas voir, tu vas percer. Moi, j'ai perdu mon père. Je sais ce que c'est de perdre un être cher. La pauvre, je vais pas la traiter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'ai dit, je le fais pas. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, il est chelou ce raclo. C'est bizarre. Pourquoi ça se passe comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Je préfère que les gens me connaissent par ma musique, par du gros son. Donc vaut mieux balancer du gros son. Et c'est ce qu'on va faire. Il y a encore d'autres choses à dire? On les dira, il n'y a pas de problème. D'accord. Balance à l'heure directement. Donc je comprends, voilà, on comprend petit à petit, parce que c'est vrai qu'hier tu disais, voilà, je peux pas tout te dire, je peux pas tout te raconter, pourquoi j'étais pas au Zénith de Paris avec lui, etc. J'étais pas au Zénith pour ça. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a quand même un passif, quoi. Il y a des choses qui se sont passées entre temps. J'ai plein de choses à te dire, vas-y, balance le son, poteau. Et bon, on balance le son, c'est parti, direct. Je crois que c'est assez clair maintenant. Le morceau de Caris s'appelle à l'heure. 270, poteau. K-A-K, Talsadoum. Caris. Vos messages 41-759. Sevran. Back to the future. J'suis locataire, Dieu est le bailleur. Mais le mal nous nourrit plus que le labeur. Cette vie n'a aucun goût, aucune saveur. Sa chatte, son string, je succombe à toutes ses faveurs. Malheur, mon frère, ma sœur. Leurs genoux sont faits de feu, je sens leur chaleur. Rien à foutre que l'air soit toujours plus vert ailleurs. je la fume et je survole comme un planeur. Je tends pas la main, je tends le majeur. Les braqueurs n'ont pas de pièces pour l'orogateur. Je vide les couilles et le chargeur. Donc je suis dans leur collimateur. Une main je rédige ma thèse, dans l'autre main je tiens le crâne de Louis XVI. Je préfère le chant du usine à celui de ton R&B. Je veux vivre la plus de jacuzzi comme tous mes négros et tous mes albis. Quand la nuit ouvre ses ailes, elle me dit que je lui plais. Je n'ai plus d'encre pour elle, donc je trempe ma plume dans ma plaie. Mon flot traverse comme un astre filant, percute le sol comme un missile Milan. Dis machallah, raconte pas de blabla, ma voix t'emporte plus loin qu'à Scala 2000 ans. 270, 270, des départements depuis le berceau. Regarde mon teint, pas de plaisantin, j'suis gravé dans la roche comme de l'art byzantin. Ma rime s'imprime dans ton cerveau comme des résidus de crack et d'héros. Nouvelle opus est tellement chaud que la mère de Chaka Zulu en perd ses os. Je me rappelle plus des versets. Où est l'étoile du berger? Animal sans empathie, en kaki quand ça me fatigue. Je ne parle plus que le farci, plus de capital sympathie. Faut vous résoudre, je fais un carnage. Défonce tout sur mon passage. Qu'est-ce que tu vas faire à part te recoudre avant le mariage? Pas qu'on rapane en plein délire. Tu me dépannes de l'Afghan. Je m'enflamme sans méthane. Je tombe comme la station Mir. Tous leurs démons ont des prénoms. Je sais qu'ils existent sous une tornade de grêlons. Mon armure souffle mais résiste. Je ne regarde plus avec les yeux, je regarde avec le cœur. Je ne crois plus en leurs discours, ils ont tous des prompteurs. C'est un des morceaux que vous retrouvez sur Or Noir Part 2 de Caris, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Caris donc très en forme en ce moment. Très très en forme. Plutôt créatif. En pleine forme. Ça bosse beaucoup. Ouais, ça bosse beaucoup. Ça... On écoute des grosses prods en ce moment-là. Ouais. Chichi, il a ramené du lourd. Donc on taffe là-dessus. Donc, Chichi, il fait des prods pour Thérapie Musique. Thérapie Musique. KAA. D'ailleurs, un petit point sur l'équipe de Thérapie Musique. C'est vrai qu'il y a, 2093, 2031. Ouais, qui nous soutient toujours là. Vous êtes, combien maintenant? On est 4, quatre. Fantôme. Tu vois, Zaz, gros big up à lui. Il a raté son avion pour Phuket, mais. Voilà. Et à Loxon. Loxon derrière, petit jeune. Derrière moi. Voilà, c'est l'avenir du Thérapie. Hein. Donc ça, musique. Donc ça, 4 au sein de Thérapie. Est-ce qu'on peut. S'il y a des gens qui font des prods, est-ce qu'on peut les envoyer? Est-ce que vous êtes toujours ouvert ou... Ouais, on peut toujours. BTTF prod@gmail.com. BTTF prod@gymail.com. Donc on pas de soucis, envoyer des prods. BTTF qui est le label et qui est aussi marque de fringues qu'on BTTF peut trouver. C'est juste la marque de fringues. C'est juste la marque de fringues. Back to the Future, c'est aussi notre tag quand vous entendez les prods. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on entend souvent Back to the Future. Ouais, le futur vient de là. Le futur vient de là, ouais. Exact. Mais c'est pas le label. Le label, c'est vraiment Thérapie. Thérapie Musique. Il y a d'autres développements d'artistes au sein de Thérapie. J'ai déjà beaucoup de travail avec Caris, t'as vu. Ouais. C'est mon premier artiste. Donc voilà, pour l'instant, je me concentre là-dessus. Il y aura sûrement d'autres projets aussi. Voilà, je pense aussi à une compile, je pense à beaucoup de choses, tu vois. À des choses pour le 93 aussi. Donc je suis en train d'y penser calmement et voilà. Ça donne déjà beaucoup de travail, la Caris, tu vois. je suis plus seulement beatmaker, mais voilà. Bah, ouais, il y a aussi le côté producteur. Y a la gestion au quotidien, y a, tu vois. Donc voilà. C'est une autre paire de manches, hein. Ouais. Ah, le dos. Il est dur, il est si dur que ça à gérer au quotidien, Caris, ou pas? Ah, bah... Non, jamais. Bah non. Tranquille. Tranquille. Impeccable. J'allais dire autre chose. Ah, tranquille. Toi, t'as envie aussi par la suite de développer des gens, justement, développer des artistes, de... Si je peux donner la force à des artistes, voilà, donner de la force, sans demander rien en contrepartie, je le ferai, tu vois, y a pas de problème. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas les épaules qu'il faut, tu vois. C'est pas parce que tu fais 50 000 disques que tu vas te prendre pour je sais pas qui, les mecs ils en ont vendu des millions. Je suis encore très très très loin d'eux, tu vois. Je me prends pas pour je fais ma musique, j'essaie de faire du bon son, au maximum donner du bon au public, tu vois, et voilà, que tous les départements ils kiffent. Parce que nous on est des fils de la rue, tu vois. Je suis un Woody, comme un on dit. Woody. Voilà. Et tu l'es toujours, ou il y a des choses qui changent pour toi? Voilà, est-ce que la vie est toujours la même, ou voilà, avec le fait d'aller beaucoup en tournée, de gagner et de vivre de sa musique maintenant, ouais. Est-ce que au quotidien ça change des choses pour toi? Ça change rien du tout. Rien. Ouais. Toujours. Au quartier, on est toujours le même. Faut pas péter plus haut que ton cul parce que tu vends des disques, jamais. Au contraire. Faut faire profil bas. Être plus proche. T'as cette chance-là, donc faut essayer d'être plus proche des gens, encore plus même. Ils t'ont soutenu, il y a eu tous ces gens qui sont là autour de nous, là, dans le studio, et puis qu'on voit aussi parfois dans tes clips. T'as toujours reçu un soutien, une force? Toujours. C'est mes frères, c'est ma famille, comme dans Armoire. Et bah, Sovran, le morceau, tu nous l'as fait en live. Je sais pas si ce soir, il n'y a pas de live de prévu. On va laisser parler le son. Hein. On va balancer que des bons sons. Hein. T'as envie de balancer beaucoup de sons? Voilà. J'ai envie de balancer Chargé, par exemple. Chargé? Ouais. Il est bien celui-là. Et bah, mettons Chargé maintenant. Direct. Or Noir part 2 est dans les bacs depuis lundi. Ouais. Et c'est Caris, notre ami. Ouf. Ce monde t'avale et te digère. Écoute les balles siffler du 9-3 au Niger. Je reconnais que le ventre que j'ai quitté, ma vélocité vient de Kunta Kinte. Reconnais qu'une arme peut nous acquitter, et l'animal grâce à sa pilosité. 2-7-2-7-93. En dessous de 0-7 c'est de la synthèse. Tu vends de la merguez et sniff de la mauvaise. On s'en fout des recettes, c'est de la foutaise. Écoute le fond de ma rime, canon au fond de tes narines. Je m'arrêterai quand j'aurai posé ma hug et mes yeux sur le fond de ma rime. Je rappe comme un désert, gueule. Mais qui va se faire allumer, même si t'as la bêtise d'ouvrir ta gueule, et au moins l'intelligence d'assumer. Calage est chargé, calage est chargé, calage est chargé. Cuisine du cutra, cuisine du cutra, cuisine du cutra. Roule sur les zébras, roule sur les zébras, roule sur les zébras. J'ai dit calage est chargé, calage est chargé, calage est chargé. Calage est chargé, calage est chargé. Cuisine du cutra, cuisine du cutra. Roule sur les zébras. J'ai dit calage est chargé, calage est chargé. La vie de John Galli, en trou religieux dans la Bugatti. J'insulte ta daronne comme Materazzi. J'suis plus talentueux que Salvador Dali. J'suis venu vendre ma gueudreau, j'conne si fort que j'en fais de la confiture. Le rap en perd son queufron, Tyson en perd sa ceinture. Dis à ta bitch négro qu'elle se pose dans le VIP à l'aise. Son boulet tellement gros que sa chenille cavale la chaise. Genre des entrailles d'une louve, mon art va se piquera à vos louvres. Même les portes les plus blindées s'ouvrent, nul ne résiste à mon groupe. 2-2-2-7-2-R, brave. La bouche est comme le troussas, lave. Je descends d'un aigrier d'esclave. Je fais pas de fit avec tous ces traves. Le soleil se lève pas sur la cave. Arme, biche à quoi bédave. Bien sûr le fournisseur est slave. Je viens de ce roi et les vrais le savent. 2-7-2-7, calage est chargé. Calage est chargé, calage est chargé. Ouf. Cuisine du quecra, cuisine du quecra, cuisine du quecra. Roule sur les zébras, roule sur les zébras, roule sur les zébras. J'ai dit calage est chargé, calage est chargé, calage est chargé. Calage est chargé, calage est chargé. Cuisine du quecra, cuisine du quecra. Roule sur les zébras, roule sur les zébras. J'ai dit calage est chargé, calage est chargé. Les bouteilles viennent vers nous, et les balles vont vers vous. Tous mes rails au rendez-vous. Si tu veux faire le con, faire le fou. J'ai dit les bouteilles viennent vers nous, et les balles vont vers vous. Tous mes rayons rendez-vous. Si tu veux faire le con, faire le fou, je vais les aligner comme des cibles. Je les allume et je les crie, je les évite et je les dribble. Mais elle la mange, je crois qu'elle est comestible. Je pense les rapports avec le plat du pied. C'est du sirop, non c'est pas du thé. Le 9-3 ne sait pas sucer. Et l'ours bras est mal léché. Tu sais. Calache est chargé, calache est chargé, calache est chargé. Cuisine du cocra, cuisine du cocra, cuisine du cocra. Roule sur les zébras, roule sur les zébras, roule sur les zébras. J'ai dit calache est chargé, calache est chargé, calache est chargé. Calache est chargé, calache est chargé. Cuisine du cocra, cuisine du cocra. Roule sur les zébras, roule sur les zébras. J'ai dit calache est chargé, calache est chargé. SEVR 2-7. Tous les quartiers de France, tous les gars au star. SEVR 2-7 ZERO. Sevran. Caris avec ce morceau à l'instant chargé. Vous retrouverez sur Or Noir partie 1 et partie 2 puisque les deux hein, sont dispo. Hop. Jamais. Kalash est chargé, c'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Frappe ça. Extrait de Or Noir par deux qu'on retrouve. Je vois des dédicaces qui te sont transmises à l'instant. T'as vu, c'est mon planète rap, donc ouais. Je fais un peu ce que je veux. Eh bah, ben, grave, voilà. tu prends le contrôle. Voilà, je prends le contrôle. Donc j'en place une pour Malo au D1, Poclin Central, Olivier, Guy Jejor, Issa, mon gars Geoffrey, B2 de Villepinte, Amine, Division 2, Gaylor, Nebo, D2, Reda DRGT Villepinte, Yastok, BSL. Mo, toi-même tu sais. KWA et Kaital Sadoum. Écureuil est là, Cucu, hein, t'as placé ton blason. DJ McFly, Solo le mythe. Babani, mon gars sûr. Si, Faté de Mo, les trois queues. KWA et Kaital Sadoum. J'en place une pour vous tous. 2-7-2-RO, tous les quartiers de France. Soutenez. C'est la rue qui m'a mis là. C'est la rue qui va m'enlever. T'as compris ou pas? J'ai compris. On s'en bat les couilles des montages, les photos, toutes les conneries comme ça, on en a rien à foutre. C'est de la merde. Ouais, tout ça c'est de la demeure. Mais toi en plus tu me disais qu'internet c'est pas un truc qui te touchait au... Ça m'intéresse même pas, je m'en bats les steaks. Au quotidien. C'est que le réel qui compte. Mon petit jus d'orange, mes petits potes, mon petit rospo, ma famille. C'est comme ça, tu vois les gros bras ils viennent de là en fait. Bon après il y a toujours eu des gros bras. Il y a toujours eu des gros bras mais c'est pas toujours, toujours, ça a jamais changé en fait. Pas de picousse, rien, on est né comme ça. Après c'est vrai que l'Afrique mon pote, je suis un Woody, un BT, il y a rien. T'es retourné d'ailleurs, on nous demandait si t'allais jouer bientôt en Côte d'Ivoire, si t'allais jouer en Afrique aussi, il y a des gens qui nous ont envoyé des messages. Bientôt Inch'Allah, j'espère bien. Aller faire une petite tournée, aller jouer là-bas. Ouais. Et juste pour revenir là-dessus, puis on va conclure un peu sur ces histoires, parce que c'est vrai que les clashs, les machins, les trucs comme ça, est-ce que ça fait vraiment avancer la musique? Pas sûr, mais c'est toujours triste quand même. Voilà, c'est toujours triste parce que c'est vrai qu'il y avait une bonne combinaison entre vous deux. Il y avait les sons de thérapie aussi, etc. Et on peut se dire que voilà, c'est toujours un peu triste quand ça se termine comme ça. Mais comme je t'ai dit, s'il n'y avait pas eu cette arrière-pensée, je vais te donner un coup de main, mais tu vas faire ça en contrepartie. Tout roulait, on était tous ensemble, mais il n'y a pas de contrepartie. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est que tu lui donnes, c'est tout. Tu donnes pas pour dire ouais, je t'ai donné ça. Et puis au début, il n'y avait pas de contrepartie quand t'as été appelé, même pour autopsie, etc. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien au début. Voilà, mais c'est après. C'est juste quand la tête pas a commencé à se sentir, ils se sont dit ah, si lui il bouge, peut-être ces gars ils vont bouger aussi. Et moi j'ai senti la patate, j'ai dit ça marche pas, je suis pas un petit. On va pas me dire tiens, fais ça. Peut-être d'autres mecs l'auraient fait, tu vois. Mais moi je suis pas de ce genre de personne-là. Est-ce que tu penses que un jour ou l'autre vous pourrez vous parler? Je pense rien du tout, je m'en bats les couilles. Vous parler au moins, voilà. Je pense rien du tout, je m'en bats les couilles, je t'ai dit. Je pense rien du tout. L'heure est pas à la pensée. Moi je fais de la musique. Et de la bonne musique. Du bon rap bien sale. Comme la street M. Tu remets un son tout de suite? Bah ouais poto. On met quoi le 00 là? Comme je te sens bien chaud ce soir Caris, mettre des sons peut-être pas Pablito, peut-être pas le Or Noir. Mais juste. Mais juste. Juste. Voilà. Tu veux dire un mot sur celui-ci justement, sur juste? C'est le morceau le plus sale que j'ai jamais fait. C'est vrai? Ouais. Celui-ci, il est né d'une idée particulière, d'un moment particulier? Non, j'en avais plus rien à foutre. Voilà, j'en ai plus rien à foutre, vas-y, allez hop, je balance tout. Et ben on le balance maintenant? Direct. Caris, juste. Or Noir, part 2 dans les... les packs. K-double-1 et K-étale sa doom. Et K-double rotor. Et K-John Connor. Fuck Dark Vador. Bientôt, le boss de la map. De 2-7-Z-2-R-O. La map. Elle prend par le cul, elle me l'a dit de sa bouche. Reliqué comme Mohamed Mera sous sa douche. Vaut mieux qu'on en parle, mon rap ça mon calouche. Ça ne coûte rien, ça économise des cartouches. Négro t'as une teuche, à ta gueule n'est pas fiable. J'te donne pas mon chéka même si tu suces le diable. Mon équipe pas ta co-usie, moi j'sais pas pour vous. Le sang d'un Tutsi, la machette d'un Hutu. J'vends ma cam à des mineurs, pourtant j'ai un bafa. Bellec, prends garde à ta sister, elle t'aima mes brava. Elle a le kito qui bavarde, j'ai les chicots qui raillent le gravat. Mexico, Chicago, 2-7-0, chaud comme là-bas. La vie est injuste, et c'est toi qui déguste. J'te tire dans le buste, même si tu réponds juste. Le calibre s'ajuste, j'veux que mes négros parlent russe. Un peu pif, et ça suce, 2-3 pif, et à plus. 2-3 pif et à plus. 2-3 pif et à plus. Le calibre ça juste. 2-3 pif et à plus. 2-3 pif et à plus. Le calibre ça juste. J'fais plus dans la dentelle, j'encule ces enculés. Grosse paire de mamelles, j'suis sûr qu'elles font du lait. Range Rover noir mat la main sur le pommeau. Le gorille géant de la ville me jette des tonneaux. J'peux tout leur prendre, la vengeance est plus douce que le miel. J'peux tout donner mais la lune reste accrochée au ciel. Un blunt sans bœuf, c'est comme moi sans feu. Ces bouffons se croient dangereux mais y'a qu'un seul roi dans le jeu. Elle se met du tchatcho pendant que tu bronzes. Ta mère passe à la radio comme quand j'coule un bronze. J'décolle, j'bats tous les records, Jordan 11. Sur le terrain je suis seul, tu crois qu'on est 11. La vie est injuste, et c'est toi qui déguste. J'te tire dans le buste, même si tu réponds juste. Le calibre s'ajuste, j'veux que mes négros parlent russe. Un peu pif, et ça suce, 2-3 bif, et à plus. 2-3 bif, et à plus. Le calibre s'ajuste. 2-3 bif, et à plus. Le calibre s'ajuste. Tu réalises qu'il y a une stache mou à l'autre bout de ton garci. Ton haleine pue le rassis, presque autant que ton châssis. Les rappeurs ont le cul farci, je veux vivre en autarcie. Le nègre est de Benghazi, je t'ai dit, je parle que le farci. Le bras est dur comme les fossins de Zaya. La fin du rap sur le calendrier Maya. Trop d'amnésia, je suis paro, je suis faya. Le double Z fait le sourire du Pejaya. On prend des gros tarots plus qu'Eric Abidal grâce à la culture du pavot dans nos filiales. Je vous nique tous, je vous encule, j'irai même vous chercher dans le caveau familial. Mon aspect brutal, presque bestial. Elles se rappelleront que je suis chauve, mais avec une queue de cheval. J't'éclate le skate de Lil Wayne sur la tête, tu me pompes ma lollipop. Poc, poc, j'suis le hip hop, t'as même pas le temps de mettre un slip propre. Le morceau s'appelle juste Or Noir Part 2 et dans les bacs depuis lundi avec Caris. À l'instant, Caris, tu disais que c'était le morceau le plus sale que t'as écrit, celui-ci. Ouais, il est sale. Est-ce que justement, quand t'écris, quand t'es en studio, est-ce que tu te mets des limites en te disant voilà, il y a certains trucs sur lesquels je peux pas trop aller? La seule limite que je me mets, c'est au niveau des instrus, c'est tout. C'est tout? Si l'instru, c'est une instru comme Or Noir ou bien une instru comme à l'heure, tu vois, je vais pas écrire juste sur du Or Noir, tu vois. C'est tout. Mais il y a certaines punchlines que tu voilà, que t'as retravaillé ou tu t'es dit celle-ci elle pourrait peut-être pas passer si non. Tu te poses pas ces questions. Après j'ai de l'empathie pour les gens, j'ai du savoir-vivre. Donc logiquement des punchlines comme tu dis chelou, elles viennent pas dans ma tête quoi. Celles qui viennent c'est celles-là. Et celles-là bon, tu les prends ou tu les prends pas, c'est tout. Et Anes particulièrement quand il y a du son qui est balancé en studio, enfin c'est ça, c'est plutôt... Non, à n'importe quel moment de la journée. J'écoute beaucoup en fait. J'écoute beaucoup les gens parler, je regarde beaucoup, je m'inspire. C'est comme ça que ça naît. Inspiration par quoi? Par hormis le quotidien, c'est quoi? Beaucoup de films, beaucoup de télé. Tout. T'es un gros cinéphile, ouais. Tu regardes beaucoup. Ouais. Par exemple, dernier film que t'as maté, dernier truc que t'as. J'ai regardé un film en noir et blanc, frère. Sur la vie de Billy the Kid. Ah ouais, ouais. Et celui-ci, un petit peu d'inspiration ou... Non, c'était juste pour voir quel genre de vie il avait eu. Il est mort à 21 ans. Mmh. Chelou. Voilà. Et c'est un truc ouais, qui t'a... ça fait planer et tout ça. Bon, beaucoup de films donc en tête, beaucoup de films en mémoire pour Caris. Exact. Qui parfois t'aide aussi à écrire des morceaux, au moins des punchlines. Ouais. On aura peut-être un aperçu dans un instant avec un autre titre qu'on mettra. Qu'est-ce que tu veux qu'on balance dans quelques minutes après la pub? Mais déjà, on balance quoi? On le dira après la pub, hein. Après la pub? Ouais. Placez une titre quand même, hein. Non. Libérez Vola à Villepinte, Chez Cana à Fleury, Despi à la Santé, Fouca à la Santé, Brice à Fleury, 2-7-Z-2-R-O. Et la plus grosse erreur d'un nègre, c'est de sous-estimer un autre nègre. C'est la petite citation du soir. Voilà. Voilà, petite citation de Caris. C'est une nouvelle rubrique dans l'émission, les citations de Caris. Bougez pas, on revient dans un instant avec Caris, notre invité. Le hashtag c'est Caris sur Skyrock. Vos questions, vous les balancez au 41-759. Il y aura votre freestyle par téléphone. On revient après ça. Tous les soirs sur Skyrock. C'est Caris, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h. Album Or Noir part 2 est dans les bacs depuis lundi. Comme jamais. On va écouter un morceau extrait de la partie 1 dans quelques minutes. Bouchon de Liège. Le bouchon de Liège. Le fameux bouchon de Liège. Je te pète comme un bouchon de Liège. Direct. Direct. C'est dans un instant, juste avant, je te présente Nahir de Bobigny. De Boboche. Allô Nahir. Ah, ouais. Boboche en force. Ouais. Ouais, thérapie les cordas avec ça. Tu as réveillé cordas thérapie. Comme jamais. Vas-y, le gars de Boboche, dis-nous. Un gars du 9-3, dis-nous. Ah, Boboche, moi, je suis de l'amitié, moi. Ah, l'amitié, si, si. Ça va, Nahir? Ouais, ça va, tranquille. Tu es prêt à rapper? Ouais. Et eh ben, c'est l'heure du freestyle par téléphone, on t'écoute. Ok. Ok. N-A-H-I-R. L-E-D-G. Ok. Ok, je rentre dans le jeu, fais place, en direct de l'espace. Idiot, tu me gênes la vue, bouge, carasse, pétasse. Qui va faire la mara? Couverture, c'est à drap. J'pilote, ne vois pas de T-Rock pour les salopes, font des barras. J'baisse le rap 10 secondes, sans passer sur les ondes. Demande à mon frère, on a la goutte à baratine tout le monde. Calage, fusil, d'assaut, Broly qui est dans le caleçon. Le rap, ne le garçon, pour les copieurs, façon. Tu dis pour que j'te passe le lait, pas de blaire, ils vont avaler. Tu sais juste qu'on peut aller, bébé, j't'ai dit grave aller. Et le DG fou allié, 6 sur 6 dans le barillet. Tu peux pas nier, on va te babiller, te mitrailler, te ratatiner. J't'emmène sous les draps, et j'fais la fête comme un adulte consentant. Va voir vers les cerisiers, si il n'y a que des bons enfants. On t'entend, para plus fort, RDG, pas besoin de garde du corps. Si on serait dans Call of, disons CK, et puis ils seraient mes clés morts. Ok, Nahir, à l'instant, en freestyle de Boboche. Oh, ouais, le gars de Bobigny est là. Boboche. Merci à toi, Nahir. Ça kick ça, le découpage. Tu peux. Tu veux balancer des dédicaces? Un peu décalé, non? Ouais, mais on sait, par téléphone, c'est pas simple, hein. C'est pas facile, ouais. C'est pas simple. J'ai rappelé, toi, Caris, par téléphone? Jamais. Jamais. Et tu le feras? Peut-être. Jamais. Je sais pas, on sait jamais. Peut-être un jour. Voilà, peut-être un jour. Nahir, on t'écoute pour les dédicaces, c'est parti. Ouais, je vais dire allez sur la page Facebook, elle est déjà officielle. Twitter, elle est déjà officielle. Là, il y a le nouveau clip qui est sorti, partout on est chez nous. Sur le matos comme à Bobigny. Faut aller le voir là, c'est du lourd. Et voilà, soutenez. Ouais. Bah, merci à toi et bon courage pour la suite, Nahir. Ouais. Bon courage, Nahir. Bon courage, mon pote. Caris. Si, si. A plus, passe une bonne soirée. C'est sur Skyrock. Caris, notre invité entre 20 et 21. Bouchon de Liège. Oh. Ça ferait plaisir. Je vois que t'en meurs d'envie toi aussi. Ça ferait plaisir de péter un bouchon de Liège. Ouais, ça ferait plaisir. De faire la fête un peu. La musique, allez, ça sert à ça un peu. Ça sert aussi à ça. Ouais, surtout. Ouais. Surtout à ça même. Caris. Au départ de la fusée Ariane, ça t'étonne, grosse bouffonne. Je rame le gros cul de Marianne, c'est pour ça que ça sent le bacon. Je leur mets profond, je fais de la spéléo. Je t'ouvre la gorge comme une trachéo. Un facial, je t'en fais la déco. Ton sang dans le Graal, c'est pour l'apéro. Hey, réveille-toi, PD. Je fais les meilleurs CD. Si je veux, je fume papa, maman, silencieux. Je réveille pas le bébé. On te boit, on te biberonne. Si je t'aime comme Chris Brown, je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Même si tu m'as pas l'air si hoche, t'as une drôle de gestuelle. Le chétan qui te conseille sur ta gauche doit être homosexuel. Je vais les haga comme un tyran. Je prends le pouvoir comme en Iran. Tu peux m'appeler le chat, je peux te la mettre dans la chatte. On pète comme un bouchon de Liège. Pète comme un bouchon de Liège. Pète comme un bouchon de Liège. pète comme le bouchon de Liège. 270-93 Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Ou je te pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. Faut que tu me payes la vraie somme. Ou je te raye le rectum. Sur tes chicots je comme. Comme tu vas des mécoms. Je veux la coke et je veux Cali. Le roro, je suis à bord du rallye. Négro, je suis là pour le rallye. Coro comme le nord du Mali. Je suis assis sur le guidon. Indispensable comme l'amidon. Peu m'importe si t'es pas Bintou. Je te baise même si t'es Guindou. Par contre tu m'as condamné. On a le flair, on a le nez. 20 milieux toute l'année, ma bite dans ton cul fait de la paix. Je te mets un ventard, le Mistral. La punch est magistrale. Chacun de mes freestyles fait apparaître les 7 boules de cristal. On joue pas de la mandoline, j'ai le glaive de la garde prétorienne. Je te fume comme à Medellin et je soulève 2-3 mongoliennes. On pète comme un bouchon de Liège. Pète comme un bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. 270-93 Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Ou je te pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. 9 000 viens pas pour faire des guili-guili. J'suis un grizzly-lizzy dans toutes les sauces comme le pili-pili. Le sang coule c'est pas du ketchup M. Comme tout chain j'suis venu faire des billions. Merco Benz, ouverture papillon. Armé de j'suis sur le pavillon. Évite de retourner ta veste. J'aime pas trop les grands gestes. Par contre me faire les grands gemmes. 3 points les brand gems. Tu ne peux que chahuter, le flingue te passe le S-A-L-U-T. Rien ne sert de lutter. Profite avec le chalutier. J'te bouffe la chenette comme une viennoise. En même temps j'fume ma Audi couche. En même temps j'attrape une grosse mouche avec une paire de baguettes chinoises. On pète comme le bouchon de Liège. Mais t'es ce qu'il y a de la neige. 2-3 tours de manège. Tu t'en rappelleras comme une vierge. On pète comme un bouchon de Liège. Pète comme un bouchon de Liège. Pète comme un bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. 270-93 Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Mets-moi ma conso dans un grand saut. Ou je te pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. Pète comme le bouchon de Liège. King Mère de France. Bouchon de Liège à l'instant, c'est extrait d'Or Noir, la réédition. On peut retrouver la partie 2 avec 11 titres inédits. Et puis ces morceaux comme Bouchon de Liège, comme Zo, ouais. Comme Or Noir, plein d'autres. Or Noir, Jbibi. Voilà. 63 mmh. Dès le départ. Paradis ou Enfer, dès le départ. Voilà. Voilà, bah vous avez tout sur classique, mon pote. Sur la réédition de l'album. Et puis ça aussi, ce morceau, allez voir Caris en concert. Vendredi, t'es du côté de Bordeaux. Ouais, vendredi, on a Bordeaux. Bordeaux en concert. Le feu. Après, c'est si vous êtes en Thaïlande, vous avez de la chance parce que vous verrez Caris la semaine prochaine. Et c'est bien aussi qu'on a joué pour les mecs qui sont là-bas, tu vois. Bah, trop fort. Ouais, c'est important. Même pour toi, c'est bien. Même pour moi, c'est vrai. Je suis jamais allé. Ça va me faire du bien. Ah, bah, tu vas découvrir la Thaïlande. Voilà. Ça va être sympa. Tu vois. Je te laisserai des bonnes adresses. Ouais, t'as des bonnes adresses, je crois. Justement, t'en veux pas de ces adresses. T'en veux pas de tes adresses à toi. Thérapie est là. Dieu, thérapie est toujours là. Oui, tu toujours là, il fallait. Tu vas balancer une bonne petite punchline aussi, une bonne petite punchline. Des adresses. Dans des rues. Vraiment, vraiment, vous avez une image de moi. Tu serais surpris par mes adresses. Non, je disais en concert Caris, les morceaux, voilà, comme Bouchon de Liège aussi, pareil, incroyable hein, ces morceaux. Ouais, c'est le feu. Ouais. En concert, c'est des trucs qui t'ont étonné, toi, parce que c'est vrai que tous les morceaux, tout le monde saute dessus, tout le monde les reprend. Tu pourrais donc. En fait, je crois que le public il se voit à travers l'artiste qui est sur scène aussi. Donc, quand il voit que l'artiste il donne, et ben il donne aussi, c'est pareil. Et c'est ce que tu fais. Ouais, j'aime bien faire ça. Et c'est pas même là, si tu vas jouer à Bordeaux, ce sera pareil. C'est toujours pareil. Même fougue sur scène. La sauce direct, on balance même la sauce. Dès qu'on arrive, on balance la sauce. Bon, bah, loupez transpire, pas. On perd des kilos, c'est frais. C'est vendredi du côté de Bordeaux pour voir Caris. Autre morceau. T'as dit que tu voulais balancer plein de morceaux ce soir. Ouais, Sevran. On va mettre Sevran. Ah, Sevran, on a eu un beau live hier. Il est dispo d'ailleurs sur skyrock.fm. On peut retrouver les images. Là, on écoute la version album. On écoute la version album. Allez, c'est parti sur Skyrock. Direct. On l'envoie en FFF, des kilos du CC. La police n'y peut rien, même l'armée n'y peut rien. Pour partir ton moi, je t'inquiète, c'est des fesses. Les rapis sont deux spies de Paris à Babi. La coque est dans la coupelle, ta schneck est dans la poubelle. Claque sur le tableau de bord. Irei Kalashnikov est mort. Personne ne me fera de cadeau. Les trous dans la peau. Capitaine du game, pas besoin de thème. J'ai flow de Pablo. S-E-V-R-A-N, c'est le son de la natème. Plus d'amour que de la haine. P-E-N-L-A. Mes dojos, mon vice, les Madouchi, mon polo. PTTF passe comme du Dolce. Bitch. Tes potes et tes putes, t'as trimé ton gang. Je leur encule leur race sans forcer. Snitch. J'suis fondé, j'suis cuit, j'suis marbré. C'est toi ou le champagne que j'dois sabrer. J'comprends plus ce que tu dis, j'suis navré. C'est ton cul ou la street qui est délabré. On jette grand-mère dans les orties. Beaucoup de cyprines dans les shorties. Dans tous les écrans et les orties. Tu me forces à montrer la sortie. Kalash, ala, kada, fi. Kalash, ala, kada, fi. Fuck les négros, avachi. Fuck les négros, avachi. Blabla, j'raconte pas ma vie. Grosse dose d'anarchie. Combo, sauce, arachi. J'explose comme un karachi. S-E-V-R-A-N. S-E-V-R-A-N. On l'envoie en féfé. S-E-S-E. Des kilos de CC. S-E-S-E. La police n'y peut rien. Même l'armée n'y peut rien. S-E-V-R-A-N. Gislaine et Geoffroy. Pour mettre au monde ce genre de Renoir. Le bassin de Marianne est trop étroit. Ma boucle brille tellement que j'ai bu, il est gnafou. Même le soleil en devient jaloux. M'accroche à tes fesses ou tes rajouts. J'utilise le reste de tes ex pour le ragoût. Pour l'instant je marche sur leur comète. Bientôt je marche sur la comète. Le cœur de la voix de nuit bas. Au rythme des palpitations de la planète. Tu vois à travers les barbelés. Je te vois à travers les feux que j'ai mis. Tu pourras arrêter de nous harceler. Surtout si t'as une face de guenon. On ne pense qu'à rester groupé. Au Mercedes se classe coupé. On est venu te dépouiller. On ne restera pas pour le souper. Tous ces négros snitch. Ton sac est falche, bitch. Pas comme dans Hitch. J'te baisse direct comme Big Mitch. Toujours dans le ghetto. Une main sur les métaux. L'autre sur mon pédo. J'ai posé mon veto. J'passe de 0 à 100 juste avec une claquette. J'te fais couler ton sang juste avec une claquette. J'ai dans le congélateur au fond. Glock avec modérateur de son. Et je poserai toujours le front. Parce que les adorateurs le font. S-E-S-E-V-R-A-N. S-E-S-E-S-E-V-R-A-N. On l'envoie en féfé. S-E-S-E. Des kilos de CC. S-E-S-E. La police n'y peut rien. Même l'armée n'y peut rien. S-E-V-R-A-N. S-E-O. S-E-O. S-E-V-R-A-N. S-E-V-R-A-N. S-E-V-R-A-N. Pour prendre ce tournoi, j'ai ta caisse et tes fesses. S-E-V-R-A-N. Les rapis sont deux spies de Paris à Babi. S-E-V-R-A-N. Sevran à l'instant. Ouais. J'ai l'impression qu'on était dans le clip en même temps. Avec une partie de Sevran qui est là aussi dans le studio ce soir avec nous. Et avec toi, Caris. Ouais. Ils viennent supporter entre 20h et 21h. C'est normal, frère. Ils étaient là pendant le premier Planète Rap. Ils sont de retour. Obligatoire. Pour la réédition de l'album. C'est mes frères, c'est mes potes. Ils soutiennent. C'est pas des mecs qui viennent d'ailleurs ou je sais pas quoi, tu vois. Voilà. C'est vraiment le quartier. C'est le quartier, on est là, on est ensemble. Ça fait combien de temps que t'es arrivé à Sevran? 88, je suis arrivé à Sevran. 88 88, exactement. En 88. Pour ceux qui savent pas, 88. Il n'y avait même pas Carrefour, c'était Euromarché. Ah oui, c'est vrai, il y avait voilà. Une époque Euromarché. C'était Euromarché, il y avait des espèces de collines de sable et tout, il n'y avait rien. Non mais là, tu dépeins Sevran comme s'il y avait des collines de sable, mais il y avait déjà les bâtiments qui étaient là. Il y avait, bien sûr, il y avait des les bedottes. Il y avait les bedottes, je parle à la place de la colline et tout, tu vois. Bien sûr, les bedottes ont toujours été là. Les bedottes en force, mon pote. Obligatoire. Et donc, toi, 88. 88. C'est quoi ton premier souvenir quand t'arrives à Sevran, toi, Caris? T'as un souvenir précis ou pas? Une image? On jouait au 10. En fait, il y a. À la Roseraie, il y a un endroit où il y a des bancs. Des petits bancs qui sont. Tu vois. Et on jouait un jeu qui s'appelle le 10. Chacun a une cage, goal, on fait goal et tu vois, goal volant. Et il fallait marquer 10 buts dans les cages de quelqu'un, quoi. Et c'est mon ça, c'est, ça c'est des souvenirs, ouais. De... C'est mon plus beau souvenir de Sevran, en fait. De la Roseraie de Pompadour. Dès que t'arrives, ouais. Les connexions se font. La famille Chakouki, les Tigermines, tu vois. Tous ceux qui étaient là-bas, quoi. Ceux qui étaient là-bas, c'était. Ouais, les connexions se font assez vite quand t'arrives, voilà, avec les potes, ça va c'est super normal. Vite. Ouais. On est tout petit comme ça, c'est normal, les connexions, c'est tout de suite. Direct. Après, il y a le bahut, les cours, voilà. Ou pas. Ça dépend des jours. On sèche beaucoup pour aller rouler des pelles. Ouais. Rouler des pelles. Ça harcèle à mort. Ouais, c'est, à mon avis, ça vient de par là. Ouais. Ah non, c'est toi. C'est mes casquettes. C'était moi. Et bah, avant de se quitter, on remet un dernier morceau, Karim. Zo. Ah, bah, il va bien avec Sevran, celui-ci. C'est ce que je veux dire ou pas. Ouais. Voilà. Ouais, morceau qui a été tourné, d'ailleurs, hein, le clip, hein, que vous pouvez voir encore. Sauf les 10 mix sont derrière, ils sont pas clairs. Allez, on balance le son. Balance le zoo direct. Zoo sur Skyrock. Ça aussi, vous le retrouvez sur la réédition. Or Noir, part 2. gros bras pour que Kadia tout vienne. Kadia tout vienne. Me fasse un Rio Gras ou un Tchepoutchen. La chambre est assez grande pour plusieurs chaînes. Plusieurs chaînes. Le torse est assez large pour plusieurs chaînes. Plusieurs chaînes. Dans le monde des blancs, les billets sont mauvais. Chez nous, l'animal dominant est un noir chauve. Est un noir chauve. Quelques grammes par jour dans le pif. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Mais pas les chiffres. Le nom d'un mort tatoué sur la peau. Sur la peau. Les singes viennent de sortir du zoo. Sortir du zoo. Les singes viennent de sortir du zoo. Sortir du zoo. Armés comme à l'époque du clos. L'époque du clos. L'ange de la mort dans la peau. Dans la peau. Les singes viennent de sortir du zoo. Sortir du zoo. Ton cadavre derrière quelques plots. Quelques plots. Le sang est plus épais que l'eau. Épais que l'eau. Armés comme à l'époque du clos. L'époque du clos. Les singes viennent de sortir du zoo. Sortir du zoo. Que c'est de R.O. Ce morceau qui s'appelle Zo, à l'instant, extrait de Or Noir, partie 1. Ouais, Zo. Quand tu le réécoutes. C'était dédicacé à tous les quartiers de France. Quand tu le réécoutes, tu dis pas, tiens, j'aurais peut-être dû changer un truc, machin et tout. Ouais, rien dû changer du tout, c'était une super époque, tu vois. Mmh. C'est mon époque. Et bientôt, Inch'Allah, sera l'époque de quelqu'un d'autre qui sera assis là et qui fera aussi des nouveaux classiques et des gros sons. Pour l'instant, j'en profite. Toi, pour toi, oui, c'est normal, quoi. Il y a un moment, voilà, c'est un cycle, la musique. C'est un cycle, normalement, ouais. Tu vois. Faut pas que la lumière brille toujours sur les mêmes, tu vois. Ça brille sur tout le monde. Toi, t'as attendu ce moment. J'ai attendu mon moment. On a, ils veulent que ça reste que sur eux. Mais c'est de la merde en fait. Donc là, toi, par contre, tu restes quand même aujourd'hui, dans la compétition. Je fais ça et demain, on fera autre chose. Tu restes dans la compétition quand même. Là, je suis là, là c'est, c'est sûr. Il y a des gros freestyles qui m'ont arrivé, des gros sons qui m'ont arrivé. Et je peux te dire que ça. La musique, quand elle parle, il n'y a rien à faire. Tu peux rien faire. Il y a déjà le ça frappe sale, tu peux rien faire. Or Noir par 2 qui est dispo là, avec 11 nouveaux titres. Laisse tomber. Avec bon, une partie freestyle. Sac. Mais beaucoup de titres inédits dessus, donc 11 titres inédits en plus sur Or Noir Part 2 qu'on découvre toute cette semaine entre 20h et 21h sur Skyrock. Juste avant de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre les toutes premières places de concert Stromae. Allô, Rima d'Alès. Oui, coucou frère. Salut Rima, je te présente Caris, notre invité. Comment tu vas, ma pote? Ah ben ça va très très bien. Bien ou bien? Bien, bien. Un petit peu de douceur féminine, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait sans eux? On peut rien faire sans eux. Exactement, les femmes, Rima. On est rien du tout. Tu veux nous faire un joli stop? Y a pas de soucis. Vas-y, crie bien fort. Allez, dès que tu veux, c'est parti. Ah bah, elle est pas toute là, seule. Tu vas gagner chose qu'elle, c'est sûr. Elle est pas toute seule. Pas toute seule. Non. Rima, ouais. écoute bien. Stromae, deux places de concert. C'est merci blindé un peu partout, on t'a merci mis deux places de côté. Grâce je suis jaloux, à Rima, je suis jaloux. Tu veux inviter Caris? Oui, je t'invite, il n'y a pas de problème. Comme jamais. Tu vas te chercher quand tu veux. Vas-y, direct. On te fait un bisou, Rima. Allez, bisous, merci ciao beaucoup. Vas-y, bonne soirée. Ciao, ciao. Toi, ça touche justement la musique de Stromae, c'est. C'est de la très bonne musique. C'est vrai, gros carton. 1 500 000 exemplaires vendus pour Stromae. Hein. Bah, en fait, ça redonne espoir au monde de la musique en fait. Mmh. Voilà. T'as écouté toi, c'est un album que tu peux écouter, c'est un truc. Ouais, Farid il l'a acheté et tout. Ouais. Si si, il y a des bons trucs dedans. Il maîtrise bien son délire. Musicalement, il y a des trucs sur lesquels tu pourras aller aussi. T'as envie de tester aussi. Non, je fais pas le même genre de musique que lui. Non. Il y a des trucs sur lesquels. Non, moi je fais du rap sale. Ouais. Voilà. Je m'arrêterai sur ça. Ouais, tu peux pas. Pas de Zouk Love, pas de que du rap sale. Zouk Love. On va pas commencer à faire des trucs où. Où ça se colle comme ça, ça transpire avec une go et tout. Non, non mais faire ça. Non, mais je me doute, mais voilà, au niveau du son, est-ce qu'il y a des sonorités ouais, sur les, un peu plus électro et tout, c'est des trucs sur non, lesquels. Non, il y aura des refrains chantés comme d'hab, mais il n'y aura pas de. C'est pas un truc sur lequel tu peux pas aller. Pas de Zouklov. Pas de Zouklov. Même si c'est une musique que je kiffe. Bon, on retiendra cette phrase aussi. Merci Caris pour cette soirée. Merci à toi. Demain. Demain. Pour de nouvelles aventures. De nouvelles aventures. De nouvelles aventures entre 20h et 21h. Des aventures. Des aventures enchantées. Des aventures enchantées. Ouais. Maintenant, je te trouve bien. Je te trouve envie de rapper, envie de. Voilà. T'as vu. Compétitif. Le Peura, c'est un truc que je fais depuis longtemps et C'est ce que je kiffe en fait. Tu vois. Après le reste c'est autre chose. Faire Bellec. Or Noir part 2 est dans les bacs depuis lundi. Ce soir, ils sont bien agités, dis donc, ce soir là. Ouais, ils aiment ça, on est chaud. Merci, mon pote. Ils sont bien excités ce soir. Bon, on te retrouve demain entre 20h et 21h sur Skyrock. Loupez pas le Planet Rap consacré à Caris et son album Or Noir, partie 1 et partie 2 qui est dispo. On peut aussi le télécharger hein, légalement, on peut y aller. On peut aller cliquer. Écouter sur le net, on peut. Dès ce soir, si vous voulez le récupérer. Ça fait plaisir. Allez-y. Est-ce que l'équipe de D-Fool est arrivée? Tout le monde est arrivé? Prenez-en deux, trois, toutes les couleurs. Même plusieurs, voilà. Une bonne dizaine. N'hésitez pas. La radio libre de D-Fool. Ah, il n'y a personne pour l'instant? Même par téléphone, on a personne? Bien sûr. Bah, c'est pas grave, on met un morceau. Tous les mecs de la Courneuve, non? Et la Courneuve? Bien sûr. On met un morceau, Caris? Juste avant de retrouver la radio libre de D-Fool. Son, vas-y. Hein. Allez, on va balancer un son. Je suis là, Fred, si tu veux. Ah, bah voilà. Il y a qui? Samy? Ouais, D-Fool, il est au téléphone. Ça va, gros, tranquille. Au moment où j'allais balancer un son, tu me boycottes. Voilà, dommage. Je t'envoie Caris, Samy. Ça va, je m'incline, gros. Ah bon? Étonnant. Je suis tout seul, ils sont nombreux là. Mais non, il y a D-Fool, j'entends D-Fool en direct de son véhicule. J'entends, Samy, il n'a pas digéré les propos de Caris sur l'OM hier. Hein. C'est ça en fait. Caris, il y a Samy, le censuré, fais gaffe. Hein. Il n'a pas supporté les propos de l'OM hier. T'as pas supporté les propos de l'OM, toi? Non, ça va, gros, ça va. Pourtant, les résultats sont là, non? Tiens, en parlant résultats, petit pronostic foot pour ce soir, France Pays-Bas. Ouais, je sais pas, un match nul 0-0, tout pété. Caris, j'aimerais bien que la France gagne, c'est tout. Oui. Après, je sais pas. Allez, on va voir. On va suivre ça avec vous, d'ailleurs, justement, toute l'équipe. Yes. Ben, nous, on est en train de se préparer, là, justement. Là. Moi, je suis juste en bas, j'arrive. Oui, tu fais ton footing, c'est normal. Ouais, avant le match de foot, ouais. Pour une soirée footballistique. Avec Marie sur mon dos, c'est pas facile. Ah bah. Waouh. Marie alias Beausieux. C'est elle-même. Oh, bien depuis hier, Caris. Attends, parce qu'on lui parlait en même temps. Caris, il fallait que j'en place une pour mes gars que j'oublie, tu vois. Mokhtar et Draman OD1 direct. On est là, les gars, on vous soutient. Et D-Fool te demander si ça va bien depuis hier soir, mais a priori, oui. Ouais, très très très bien. Bah écoute, nous aussi, très très bien. Bon, on est en retour dans un instant avec le match de foot à suivre. On aura un invité mystère à découvrir dans un instant aussi sur Skyrock. Nouvelle invité mystère. Et puis, Caris, on te retrouve demain à partir de 20h dans Planet Rap. Un petit peu avant 20h, ouais, à pas loupé. Mon pote. Voilà, moi je suis en bas de la rue Grenetta, en bas des studios de Skyrock. J'arrive dans un instant avec toute l'équipe, avec le match de foot à suivre. Vous tous, yes. Et vous toutes, on attend vos commentaires en direct, vos pronostics et tout le reste. Et puis pour tout le reste, vous nous appelez 01 53 40 30 20. À tout de suite. Yep. À tout. Ah, tu foules? Oui, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, l'écran pile n'est pas parti, figure-toi. Ah, super. Voilà, j'ai beau appuyer sur tous les boutons, mais il n'y a rien qui part. On se met en noir? Vas-y, attends, je cale ça, deux secondes. Allez, un petit revoir de Caris. Voilà, mais il y a du public en bas, je sais pas si tu les entends, Samy, derrière. Ah, il y a du monde, là. Ah, ben, il y a du monde, oui. Bon, ben... Et on arrive. Ah bah voilà, je suis reconnecté de nouveau, pardon. C'est bon, Fred. Fredo qui est là aussi. Bah oui, je reviens. Mais en plus, les écrans plus ne partent pas. Je réapparais, quoi. Vous voulez une petite publicité? J'arrive. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Allez, c'est parti, Or Noir. Ah, mais ça ne marche pas non plus, alors tu vois, j'ai vraiment de la chance avec ce studio. Bah vas-y, chante-le, Samy. Caris, je vais pas le faire en live. Là, on est en train... mais il n'y a rien qui marche, hein, j'ai vraiment de la chance. On est en train de vider tranquillement le studio, comme tu peux l'entendre tout tranquillement d'ailleurs, Samy. Je peux faire la technique de D-Fool de mettre un petit coup sur la machine? Bon, il faut en profiter. J'ai mis faut... un coup là. Et ça marche, voilà, putain, ça marche. Fantastique, gros. Oh, t'es trop fort. Allez, exceptionnel, gros. Or Noir et la radio libre juste après. Vas-y, gros. 01 53 40 30 20. Caris, qu'on retrouve demain peu avant 20h dans Planet Rap. A toutes. Yeah, Fred. Ah bah vous avez pas balancé le son encore? Si. Ah ça y est. C'est à l'instant, gros. Ah bah voilà, petit au revoir tout de suite, c'est parti, Radio Libre en direct, on y va.